c'est très difficile d'être à la fois scientifique et littéraire, eh bien faites de l'histoire des sciences et vous serez les deux. J'ai toujours rêvé de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Marche des sciences, émission spéciale Grand Portrait, dédiée aujourd'hui à l'astrophysicien André Braik. C'est un monsieur qui n'est pas un scientifique, c'est pas un artiste, c'est un feu d'artifice. C'est un monsieur qui, quand il vous parle, lorsqu'il vous décrit ce qu'il fait, il ne vous décrit pas, il est passionné. C'est-à-dire qu'il a une façon de raconter les choses qui vous enveloppe, qui vous hypnotise quelque part, mais surtout qui vous amène dans un autre monde et où, quand vous avez l'impression que c'est compliqué, c'est vraiment très simple. C'est un feu d'artifice qui vous hypnotise, dit-on de lui. Il est sans conteste l'un des astrophysiciens français les plus connus et les plus choyés par le public. Son don de conteur et son amour pour la culture de la science font de lui un passeur de connaissances, avec cette façon bien à lui de mêler propos scientifiques et légèreté humoristique. Après avoir commencé par l'étude de la perte de masse des supernovae, des phénomènes de la physique du chaos et de la dynamique, et l'aplatissement des galaxies, il est devenu l'un des meilleurs spécialistes de planétologie. Pionnier français en ce domaine, sa spécialité réside en la dynamique et l'évolution des anneaux planétaires et la formation du système solaire et de systèmes planétaires. Dès 1979, il fut à l'avant-garde des missions spatiales vers les petits corps du système solaire qu'il promut avec conviction. On lui doit la découverte des anneaux de Neptune en 1984, et il fut rapidement convié à intégrer l'équipe d'imagerie de la sonde Voyageur dès 1981, puis de la sonde Cassini en 1991. Il voulait être chercheur, l'un des plus beaux métiers au monde selon lui, avec un rêve, celui de voir la science mieux partagée par tous, convaincu que la culture scientifique aide à remplir notre rôle de citoyen. Astrophysicien au CEA, professeur à l'Université de Paris 7, directeur du laboratoire Gamma Gravitation, André Braik est notre invité sur France Culture, portrait d'un homme amoureux de la science. Une émission émaillée d'archives sonores de l'INA, dénichée par Anaï Morales, Sandra Escamez et Marie Jarros, est préparée avec Catherine Donnet et la complicité de Catherine Decopé, ici présente et qui a concocté des interviews surprises auprès de proches de notre invité, et le tout dans une réalisation d'Alexandra Malka, avec à la technique Jean-Frédéric, André Braik, devant et derrière les paravents de la Marche des sciences. La personnalité d'André Braik, on ne peut pas la définir. Ce serait, dans tous les cas de figure, ce serait réducteur. Vouloir le mettre dans une cage, vouloir en faire un algorithme, c'est une aberration. Parce que justement, il y a une expansion telle dans sa façon de dire les choses, de les exprimer, qu'elles ne sont jamais les mêmes. Et il y a une intrigue chaotique dans la façon dont il décrit les choses. Mais dans ce chaos particulièrement bien réglé, il y a une raison et il y a un élément cartésien remarquable. Et en fait, sa rigueur est telle que c'est qu'une impression, ce chaos. Et quand on écoute bien ce qu'il fait, notamment, on a été amené à discuter ensemble jusqu'à 4 heures du matin, parce que comme c'est un homme de la nuit, donc il commence vraiment à être lui-même à 11 heures du soir. Et de 11 heures à 4 heures du matin, il vous explique des choses d'une façon assez spécifique, mais à chaque fois, c'est un peu les dominos. Il faut comprendre les premières pour comprendre les dernières. Et il vous donne l'impression, c'est quand même remarquable pour un scientifique, que vous êtes intelligent. Bonjour André Braik. Bonjour. Alors, est-ce que vous avez reconnu cette voix ? Jean Abitbol, chirurgien de cordes vocales, qui est quelqu'un que j'adore parce qu'il est enthousiaste, il aime son métier et il est passionné. Et je crois que dans la vie, il y a tellement de gens qui sont tristes. Vous savez que un de mes combats, je lutte contre les homo tristus, en faveur des homo rigolus, moins nombreux mais plus utiles. Eh bien, c'est quelqu'un qui est enthousiaste, qui fait avancer les choses. Et je crois que dans la vie, la tristesse est communicative, mais l'enthousiasme l'est aussi. Et je préfère la seconde attitude à la première. Donc j'adore Jean par ce qu'il fait, d'abord par son talent, et puis surtout par le fait qu'il prend la vie du bon côté. Et si tout le monde avait cette petite dose d'enthousiasme et d'envie, eh bien le monde marcherait tellement mieux. En tout cas, Jean Habitbol, que Catherine Decopé, vous avez rencontré, donc cet enthousiasme, vous nous le confirmez, oui, et sa bonjour. Passion aussi. Vous le connaissez depuis une dizaine d'années, et il faut dire que voilà, c'est un spécialiste des cordes vocales et l'un des pionniers de la chirurgie laser en France. Tout à fait. On en parlera sans doute plus tard. Tout à fait. Alors, et c'est quelqu'un qui, sur un parcours, ce que j'aime aussi, beaucoup de gens sont sur le sillon. C'est-à-dire, ils font comme leur maître leur ont dit, ils ne mettent rien en cause, ils travaillent très bien, mais ça n'avance pas beaucoup. Lui, il a une vue complètement différente. Il a pris des chemins qui n'étaient pas les chemins de tout le monde, et c'est ça qui est important. C'est ce qui est fait encore cher, certains trouvent et d'autres ne trouvent pas. Et actuellement, on finance ceux qui ne trouvent pas et pas ceux qui trouvent parce que c'est trop original. Et prendre les autres chemins, c'est ce qui vous caractérise aussi, André Brahic. Cette façon d'être et ce portrait qui est fait de vous depuis le début de l'émission, donc vous le devez, est-ce qu'on peut le dire, à vos parents qui vous disaient de ne jamais vous prendre au sérieux? Ah oui, ça, bon, j'ai une chance extraordinaire d'abord, c'est d'avoir trois parents. J'ai eu trois parents, moi, pas deux. J'en ai eu trois extraordinaires. J'ai eu un père qui passait son temps à rigoler, ça c'est, donc il m'a appris que les hommes se fait pour rigoler. J'ai eu une grand-mère qui avait une affection, une féminité, qui m'a appris qu'une femme c'est merveilleux, c'est doux, etc. Et j'ai eu une mère qui avait une certaine autorité. Et qui me disait toujours qu'elle regrettait d'avoir mis un enfant au monde. Et moi je rigolais en disant trop tard. Et en fait, elle avait raison en disant cela. Elle voulait dire, mes parents étaient de conditions relativement modestes. Et elle pensait ils avaient vécu la guerre de 14 et la guerre de 40, oui. Et elle pensait que c'était criminel de mettre un enfant au monde parce que ça ferait quelqu'un de malheureux qui servirait de chair à canon et on n'avait pas le droit de rendre quelqu'un malheureux comme ça. Et en fait, ils m'ont rendu le plus heureux du monde. J'avais pas d'argent, mais c'était pas important. Simplement, ils m'ont donné l'envie. Et ça, c'est une chance extraordinaire que j'ai. Et pourquoi je suis content? Mais pour une raison très simple, c'est quand je prends mes ancêtres, je remonte à 3-4 siècles. Il y a 1000 ans, je sais pas où ils étaient, mais disons, il y a 3-4 siècles, ils étaient dans ce petit coin des Cévennes qui est entre l'Ardèche, le Gard et la Lozère. Les femmes s'occuper du jardin, des animaux, etc. Et les hommes étaient souvent à la mine. Il y a eu des mines de bauxite, on sait de mines de charbon. Ils sont tous morts à 50 ans de la silicose. C'est-à-dire, si j'étais né 100 ou 200 ans plus tôt, eh bien, j'aurais été au fond de la mine, ce qui n'est pas le meilleur endroit pour voir le ciel. Et puis, j'aurais eu la silicose à 50 ans, je serais plus là. Et au lieu de ça, j'ai une vie extraordinaire. Mes ancêtres immédiats, ils ont connu la guerre de 14. Certains, ils sont restés. Ils ont connu la guerre de 40. Et quand j'entends à notre époque des gens dire, oh, c'est la crise, c'est épouvantable, je leur dis, mais attendez, 2014, c'est tellement mieux que 1914. Et que 1814 et que 1714. Donc simplement, la vie, je me rends compte, est très courte. Soyons optimistes. Je ne crois pas aux fables de ceux qui prétendent qu'on a d'autres vies. Et donc, du coup, profitons de celles qui existent. Et quand on profite de celles qui existent, eh bien, on peut en faire profiter aussi les autres. Donc, dans votre famille, les ancêtres. Je dirais, c'est comme un bon repas. Ouais. C'est un bon repas, c'est merveilleux. Il y en a qui font ça en faisant la tête, qui achètent des nourritures industrielles. Et il y en a qui en profitent, qui dégustent ça. Et vous savez, dans un bon repas, le meilleur moment, c'est le dessert. Bon, j'en suis au dessert, c'est le meilleur moment. Donc vos ancêtres étaient plutôt donc soit paysans, soit mineurs. André Brahic, votre père travaillait dans les chemins de fer, donc pas de scientifique. Mais alors vous, cette passion pour l'espace, pour le ciel, vous l'avez eu quand jeune ou plus tard? Oh bien, ce que je dis à mes étudiants, c'est que dans la vie, essayez de faire quelque chose qui vous passionne. N'importe quoi, faites du sport, du chant, de la littérature, de la science, peu importe, mais un truc qui vous passionne. En ce qui me concerne, mes parents avaient quelques livres dans la maison, donc j'avais 4-5 ans, je fouillais. Et j'avais trouvé des dictionnaires Larousse des années 1920. Vous imaginez les illustrations de l'époque, noir et blanc, mais on parlait des planètes du ciel, et j'ai retrouvé de cette écriture qu'on avait dans les années 1940 avec une encre violette juste après la guerre, où j'avais noté des caractères de ces planètes, ces galaxies, ces choses dont on parlait, me faisaient rêver. Bon, un enfant de 5-6 ans, on n'apprenait pas à l'école, j'avais plus ou moins oublié. Et en fait, ce qui change tout, ce sont les rencontres. Et dans la vie, je dis, il faut être passionné, mais souvent la passion vous vient d'une rencontre. Ces rencontres, les gens me disent, comment on fait pour faire des rencontres? Mais c'est très simple. Il suffit d'être ouvert. On rencontre plein de gens, on va rencontrer 100, 200, 300. Il suffit d'en rencontrer un ou deux. Et je dirais finalement, la vie, c'est un peu comme le mariage. Si vous rencontrez quelqu'un d'extraordinaire, votre vie est un bonheur. Si vous rencontrez quelqu'un d'épouvantable, vous divorcez, vous êtes déprimé, c'est épouvantable. C'est pareil dans la vie. Quand vous rencontrez quelqu'un de bien, ne le manquez pas. Et ma chance, ça a été de rencontrer deux personnes. L'une, qui est décédée il y a 2-3 ans, s'appelait Ivry Schatzmann. Cet homme a fondé l'astrologie française. L'astrologie française qui était en retard, puisque la France était pendant 3 siècles en tête de l'astronomie, c'est la mécanique céleste. Et vous savez, quand on est au Capitole, on est près de la roche tarpéienne, n'a pas su évoluer, et dans la fin 19e, début 20e, les professeurs d'université, un peu statiques, n'ont pas pris le virage de l'astrophysique. Et après la guerre de 40, Ivry Schatzmann, qui a vécu une aventure épouvantable, c'est un étudiant brillant, ses parents ont été assassinés à Auschwitz, il n'a jamais digéré ça, évidemment, et il a rêvé d'un monde meilleur. Et il s'est dit, est-ce qu'un monde meilleur, est-ce que la science ne pourrait pas jouer un rôle? Nous savons tous que la science ne peut pas tout, mais nous savons que sans la science, nous sommes morts. Alors, et il a développé ça, cet homme avait un charisme extraordinaire. On va l'écouter avant d'aller plus loin. Si vous voulez, on écoute sa voix qu'on a retrouvée dans les archives sonores de l'INA. C'est Ivry Schatzmann, le 24 juin 1971, dans l'émission Heure de Culture Française. Qu'est-ce que la science ? Pour moi, la science, qui est, ce que je pourrais dire, telle que je la vois et telle que je la fais, la science, c'est l'acquisition d'une connaissance sur la nature, c'est-à-dire la découverte des processus fondamentaux qui se déroulent dans la nature, leur compréhension et, au sens un peu plus philosophique, leur représentation dans l'esprit humain. Et ce qui prouve la qualité ou la vérité d'une découverte scientifique, c'est sa valeur de prédiction, ou ce que l'on pourrait dire, dans d'autres termes, sa valeur opératoire. Or, ces prédictions ne sont pas des prédictions de devin, ce sont des prédictions qui sont faites sur la base d'une compréhension et d'une analyse profonde des processus naturels et qui mettent en évidence des effets nouveaux que, à ce moment-là, on est capable de découvrir expérimentalement puisque on a un moyen d'y accéder par la représentation qu'on en a. Alors voilà, un de vos mentors, parce que vous n'avez pas cité le deuxième Michel Hénon, mais oui, Evry Schatzman, quelle voix et puis surtout quelle formidable façon de raconter et de décrire cette science. Astrophysicien de la structure des étoiles, on ne l'a pas dit. Oui, c'est-à-dire que pendant la guerre, il a été caché sous un faux nom à l'Observatoire de Haute-Provence. Et donc, il a échappé donc à Gestapo. Et là, il passait son temps à la bibliothèque de l'Observatoire. Et il s'est trouvé tout seul un sujet de thèse. Il a fait une percée importante sur ce qu'on appelle les naines blanches. Et surtout, il avait un charisme extraordinaire. On peut considérer que 80% à 90% de l'astronomie française sont ses enfants ou ses petits-enfants. Il a joué un rôle essentiel de passeur, en quelque sorte. Et cet homme extrêmement enthousiaste était débordé. Pour lui, le jeu de 24 heures ne suffisait pas. Il courait partout. Je me souviens au début quand il a eu la gentillesse de me recruter, je le fuyais parce que j'estimais que j'avançais pas assez vite. J'avais peur qu'il me gronde en quelque sorte, et donc je me cachais. Et aujourd'hui, vous l'avez plus que rattrapé, parce que vous aussi, 24 heures, ce n'est pas suffisant. Oui, mais et je me rends compte qu'en fait, il vous donnait l'enthousiasme, mais il y a une petite chose qui manquait, c'est une certaine rigueur, une certaine apprendre le métier vraiment. Et la seconde personne qui m'a appris cela. Qui est décédé il y a pas très longtemps, s'appelait Michel Hénon. Et cet homme était extraordinaire. Alors, de tempérament très différent. Un homme, disons, issu de la bourgeoisie parisienne, de protestante du 16e arrondissement. Donc, d'une grande rigueur, d'une grande droiture, une mère avec 5 enfants. Donc, pour lui, l'honnêteté était, il n'est pas question de le moindre mensonge, par exemple. Donc, cet homme, au début, qui paraît très froid, en fait, quand on le connaissait bien, avait une chaleur humaine extraordinaire. Et surtout, une logique qui m'a époustouflé. C'est-à-dire que devant toute situation, toute parole, de manière très calme, il analysait la situation immédiatement, il comprenait avant tout le monde. Et lui, il m'a appris. Je donne juste un exemple. J'étais en train de travailler sur un domaine, j'étais allé le voir, il était à Nice à l'époque, et le soir, avant de me coucher, je vais à la bibliothèque, et je trouve un article d'un prix Nobel de physique qui trouvait le contraire de mon résultat. Et donc, j'ai pas dormi de la nuit, désespéré, je dis, bon, je suis complètement nul, un prix Nobel a trouvé ça, moi, je suis même prouvé étudiant mauvais, etc. Le lendemain matin, je le vois, désespéré, il me dit, attends, André, c'est prix Nobel, c'est pas un argument. Donc, tu vas m'expliquer ce que tu faisais, tu vas m'expliquer ce qu'il faisait, et nous allons comparer. Et en comparant, c'est pas le prix Nobel qui avait raison. Et il m'a appris simplement que l'argument d'autorité, ça ne joue pas. Et que simplement, il faut réfléchir, il faut avoir la logique. Et cette logique qui est si mal partagée dans le monde, parce que c'est pas une attitude naturelle. L'attitude naturelle que l'on a tous, issue de nos ancêtres, issue de l'évolution, etc., c'est devant toute situation de faire jouer la croyance ou de faire jouer, je crois, d'avoir une attraction immédiate. Et pour une raison très simple, c'est quand un prédateur voulait vous manger, si vous commencez à écrire l'équation du mouvement du prédateur, vous êtes mangé. Donc il faut tout de suite réagir en disant je réagis comme ça. Et donc c'est comme ça que les hommes ont des croyances, tapent sur le voisin, celui qui n'a pas d'avis donne un coup de poing, ils ont des avis définitifs, ils pensent avoir raison. Et simplement, si on prend un peu de recul, si on espèce d'oublier tous ces a priori que l'on a a priori, et ça change complètement la vie. Et je me dis, si dans la population, ceci était un peu plus partagé, qu'est-ce que ça serait mieux? Alors oui, je suis pas en train de me peindre du monde actuel. Moi, j'ai tiré le bon numéro, j'ai un monde merveilleux, mais je me rends compte, ça pourrait encore être beaucoup mieux. Oui. Et donc, si dans les quelques années, je sais pas s'il me reste encore quelques siècles, quelques millénaires, comme je dis, si j'étais immortel, je ne serais jamais, eh bien, dans quelques années qui me restent, si je pouvais essayer de transmettre ça à quelques petits jeunes, j'aurais remercié mes mentors qui étaient Michel Hénon et Evry Schatzman. Et vous le faites déjà, parce que vous brandissez souvent ce slogan qui est le vôtre, « Abat les homo tristus, vive les homo rigolus ». C'est aussi ce qui vous caractérise, André Braik. Dites-nous alors, de quelle façon est-ce que vous êtes devenu ce pionnier de la planétologie française ? qu'est-ce qui vous a fait basculer dans ce, à ce niveau-là et dans ce Je parie, c'est-à-dire qu'en gros, dans la vie, je crois, quelle que soit votre profession, il me paraît important de rencontrer les meilleurs du domaine. Les meilleurs, c'est pas ceux qui sont réputés comme étant les meilleurs, ceux qui le sont réellement. C'est-à-dire, si vous jouez au tennis, il vaut mieux jouer contre un champion. Alors, c'est pas bon pour votre ego parce que vous êtes battu, mais vous progressez. Si vous jouez quelqu'un qui sait pas jouer, vous tenez votre raquette comme une poêle à frire. Si vous voulez faire du chant, mieux vaut rencontrer Pavarotti ou Montserrat Caballé que rencontrer le chef de la chorale de Trifouille-les-Oies. Et même si pour votre ego c'est très dur, vous progressez. Et ce qui s'est passé, c'est de, bon, j'ai eu la chance. C'était l'époque où on invitait en France beaucoup de chercheurs étrangers, chercheurs américains. En plus, quand ils les invitaient, ils parlaient français, alors que maintenant nous parlons tous anglais. Et là aussi, je vois bien que nous pourrions nous développer un peu plus, développer notre langue. Enfin, ça c'est un autre sujet. Et je me suis dit, lié d'amitié avec ces gens-là, donc j'étais les voir. Et finalement, un jour, je me souviens, j'avais demandé des crédits aux affaires étrangères pour aller en Australie. Et l'administration française étant toujours une grande lenteur, j'ai obtenu les crédits un an et demi après le voyage que je devais faire. Donc, ils m'ont donné ces crédits, j'ai fait un autre voyage. Hein, j'avais été en Australie autrement. Et puis, j'étais aux États-Unis et j'ai fait le tour du laboratoire. Et j'ai rencontré une centaine de chercheurs que je considérais comme parmi les meilleurs. Et parmi cette centaine, il y en a une dizaine qui étaient merveilleux. Et ceux-là m'ont appris beaucoup de choses. Ils m'ont appris comment ça se passait. Ils m'ont appris, et je leur ai raconté ce que je faisais. Ils m'ont raconté ce qu'ils faisaient. Ils sont devenus plus tard mes collaborateurs, mes amis. Et cela aussi, il faut rencontrer les gens qui... Et il n'y a pas un meilleur dans le sens absolu. Il y a un meilleur qui vous convient. De la même manière, si vous faites du théâtre, je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont été influencés par telle ou telle personne qui leur a appris le métier, etc. Si vous faites pareil du chant, si vous faites de la littérature, etc. Et dans la vie, je crois que c'est très important de faire ça. Et surtout dans une société qui est de plus en plus cloisonnée, d'une certaine manière, où les gens ont une étiquette sur le dos, où on les met en retraite à 60 ans, ce qui est idiot. Vous savez, où je fais partie des gens qui militent pour la suppression de la retraite. Non, pour la retraite à 75, mais maintenant c'est quasiment la suppression. Pour la suppression de la retraite, comme je dis, j'ai fait une manifestation. J'étais seul dans la rue. Mais si on avait mis Victor Hugo à la retraite à 60 ans, on aurait perdu beaucoup. C'est vrai. Et si les gens ne partaient pas à la retraite, la sécurité sociale ferait de grosses économies. Alors, on continue à vous faire revivre ce temps vécu pour vous, André Brahic. Et là, c'est une nouvelle archive des fonds de l'INA. Voyageur 2, Pasadena, le 23 août 1989. Une image qui nous vient de très loin, à plus de 4,5 milliards de kilomètres de la Terre. C'est l'image de Neptune. Lancée il y a tout juste 12 ans, la sonde américaine Voyager 2 s'apprête à croiser cette planète la plus éloignée du Soleil. C'est la première fois que Neptune reçoit la visite d'un explorateur automatique. Imaginez donc l'effervescence dans le laboratoire de Pasadena, l'un des plus célèbres laboratoires de la NASA, qui suit le périple de Voyager 2 tout près de Los Angeles. Cela faisait 12 ans que les scientifiques attendaient de telles images. Pasadena, d'où nous appelle Jacques Tizio. Ce n'est pas sans une certaine fierté que Brad Forsmith, le patron de l'équipe chargée d'interpréter les photos spectaculaires, nous a annoncé qu'il y avait bien au moins un anneau complet autour de Neptune. Les photos en fausse couleur nous montrent maintenant des cirrus roses de la taille de l'Europe au-dessus d'une tache brune et bleue de la taille de la Terre. Voyager 2 découvre Neptune et pourtant, après 7 milliards de kilomètres en 12 ans, la sonde interplanétaire est en mauvaise santé. Après de fortes doses de radiation, d'innombrables impacts de micrométéorites et des pannes de toutes sortes, crises cardiaques et cérébrales. C'est un véritable miracle qu'ont accompli les chirurgiens du Jet Propulsion Laboratory pour que Voyager 2 puisse nous fournir encore tant d'informations et des photos d'aussi bonne qualité d'une planète mille fois plus sombre que la Terre. Depuis qu'elle a survolé Saturne il y a 8 ans, la sonde ne veut plus tourner ses caméras qu'autour d'un seul axe et à raison d'un dixième de degré par seconde seulement. Depuis qu'elle a survolé Uranus il y a 3 ans et demi, elle a perdu la mémoire et les docteurs du JPL ont dû la reprogrammer. Mais elle multiplie ses informations comme si elle était encore une jeune fille et non pas une vieille dame. Une jeune fille, non pas une vieille dame, disait à l'époque le journaliste. C'est magnifique pour parler de cette sonde. Cette sonde est partie comme une jeune fille pleine d'énergie, est arrivée comme une vieille dame pleine de rhumatisme. Mais l'avantage de la vieille dame, c'est qu'elle a l'expérience. Et en plus, elle avait des photos incroyables. Et alors tout ça pour revenir, parce que c'est important. Première découverte en 1984 des arcs de Neptune, planète géante, je rappelle, constituée à 99% d'hydrogène et d'hélium. Je ne me trompe pas, André Brahic. Donc sa masse par rapport à la Terre, plus de 17 fois la masse de la Terre. Oui, quelques dizaines de fois. Ça fait 25 000 kilomètres de rayons, et donc 50 000 km de diamètre, la Terre en faisant 12 000 km, vous voyez, c'est 5 fois plus gros. Alors comment vous avez trouvé ça, André Brahic? On vous doit cette découverte-là quand même. Alors ça c'est une recherche très amusante, et qui montre comment la recherche peut mal marcher quand la bureaucratie s'en mêle.

Donc on avait vu la même chose. Alors que ça, de quoi s'agissait-il? J'avais à l'époque imaginé un modèle qui ressemblait au saucisson de l'Ardèche. C'est-à-dire quand vous prenez un saucisson de l'Ardèche, il est très irrégulier de largeur. Donc quand il est très large, il n'y a pas beaucoup de viande, vous voyez à travers. Et quand il est très étroit, vous voyez aussi à travers parce que c'est trop étroit. Et donc je me disais, on ne voit que les parties qui sont à la bonne largeur. Et en fait non, il y avait des arcs de matière. Et ces arcs de matière nous apprennent quoi? Nous apprennent que le matériau est confiné. Et le confinement du matériau, c'est un problème majeur en physique. Aujourd'hui, nous posons beaucoup de problèmes pour l'énergie. Nous savons tous que l'énergie sera pas résolue avec des éoliennes, ce qui est stupide et coûte cher, ni avec l'énergie solaire, c'est une idiotie. Ça sera évidemment avec l'énergie nucléaire, mais l'énergie nucléaire propre, pas des centrales qui peuvent, mais une énergie où il n'y a pas de produire à tuf derrière. Or, comment on essaie de faire ça? C'est en confinant le matériau, ce qu'on fait à Cadarache, dans le sud de la France. On le confine comment sur Terre? Par du champ magnétique. Et on a de la peine, on ne va pas y arriver tout de suite. Et comment ça se passe autour de Neptune? C'est confiné, non pas par le champ magnétique, mais par la gravitation des satellites qui sont autour. Et les équations du phénomène sont les mêmes dans le cas de Neptune ou dans le cas de Cadarache. Autrement dit, c'est un phénomène. Je suis en train de vous dire qu'on ressent le problème de l'énergie sur Terre en allant voir Neptune. Je suis en train de vous dire que la physique est universelle. Nous trouvons des phénomènes inattendus. Il faut pas. Et donc, on essaie de comprendre ce qui se passe. C'est pas très simple. Et nous trouvons là des phénomènes de confinement qui sont utiles pour comprendre comment la Terre s'est formée, d'une part, et d'autre part utiles pour ces problèmes de l'énergie qu'on se pose actuellement. Et quand on comprend mal un phénomène en science, mais on donne des noms. Et donc, j'ai eu le privilège de donner ces noms et je les ai appelés. Alors non, ne nous dites pas. Pas tout de suite. Parce qu'on va l'entendre justement de la voix d'une de vos étudiantes, Catherine de Coppel. Vous allez trop vite, André Braic. C'est que 24 heures par jour, ça suffit pas. Il faut qu'on vous rattrape vite. Donc voilà, tout ça pour vous dire que dans ma petite enquête qui précède toujours les grands portraits de la marche des sciences, pour vous, je suis allée à la rencontre de l'une de vos anciennes doctorantes. Vous y avez fait allusion à l'instant. Elle est désormais professeure des universités à Paris Diderot, et vous l'avez embarqué donc dans cette aventure d'exploration de Neptune à la fin de l'année 89 pour son stage de fin d'études. Il s'agit de Cécile Ferrari, on l'écoute. Je commence ma thèse, André me dit, tu devrais travailler sur les anneaux de Neptune, les arcs, essayer de déterminer leurs caractéristiques, leurs propriétés, etc. Donc je passais mon temps sur les images de la sonde Voyageur 2, et puis... en fouillant un peu, en regardant un peu toutes les images, j'ai trouvé un quatrième arc. Il y avait donc trois arcs qui étaient très visibles dans les images, qui étaient Liberté, Égalité, Fraternité, puisque c'était les deux bicentenaires de la Révolution française. Et donc André avait proposé ces trois noms pour les arcs de Neptune. Donc ils sont trois surdensités de matière dans un anneau continu. Et donc moi j'ai trouvé ce petit qui était devant, donc je me disais tiens qu'est-ce qu'on pourrait faire avec LEF, et puis donc sur un C ça allait bien, et puis et finalement j'étais un peu dans ma période de où dans ma vie il fallait que j'affirme un certain nombre de choses, et que finalement je trouve que le courage est une valeur tout aussi essentielle que liberté, égalité, fraternité. S'il n'y a pas de courage, il n'y a rien de tout ça. Donc voilà, on a discuté, je lui ai proposé ça, et puis voilà, et puis finalement, il l'a bien défendu par ailleurs. C'est passé comme ça. France Culture, la marche des sciences. Aurélie Luneau. Et oui, alors Cécile Ferrari qui dit vous l'avez bien défendu par ailleurs, parce qu'il fallait défendre aussi ses noms face aux Américains, André Braic. Oui, en gros, il y a l'Union Astronomique Internationale rassemble l'ensemble des assemblées professionnelles du monde entier. Pour donner une petite idée, en 1925, il y avait 500 assemblées professionnelles, et en 2014, il y en a 10 000. Donc vous voyez que les choses ont quand même progressé. Eh bien, il y a là des comités de nomenclature qui sont chargés de des noms. De la même manière que, je ne sais pas, si vous allez à Marseille, par exemple, vous allez acheter un billet d'avion à la gare, ou un billet, à l'aéroport, un billet à la gare, vous appelez Marseille, vous ne donnez pas à chacun des noms différents. Et donc, l'Union Astronomique Internationale, qui est membre de l'ensemble des unions scientifiques, les physiciens, les mathématiciens, les chimistes, etc., tout ça sous l'égide de l'ONU, de l'UNESCO, de l'ONU, donc il y a des comités. Alors moi, j'ai pendant 30 ans de ma vie participé à des comités de nomenclature, où nous donnions des noms, on en a donné plusieurs dizaines de milliers de noms. Je peux, en clin d'œil, vous raconter l'histoire suivante. Pour Vénus, par exemple, on nous donne de femmes. Alors, il faut qu'une femme soit morte depuis au moins 3 ans et fait quelque chose dans sa vie. Alors, un jour, on nous donne le nom d'une coréenne. Alors, je dis, qui est cette dame? C'est une héroïne du 12e siècle. Très bien, donc elle a son cratère sur Vénus. Puis, on nous donne une française. Alors, je regarde, c'était la Goulue, vous savez, la fameuse prostituée de Montmartre. Et les Américains, qui est-ce? Je dis, c'était le modèle de tous les autres mecs. Ah, très bien, donc la Goulue a son cratère sur Vénus. Un peu plus tard, on nous donne une autre française. Et je regarde, c'est la Pompadour. Et je dis, oh, la Pompadour, c'est extraordinaire, c'est une femme intelligente qui a développé les sciences et les arts, donc je plaide pour la Pompadour. Les Américains disent pas question. On n'en veut pas parce que c'était la maîtresse du roi, ce qui est un scandale. Je dis pas du tout, c'était pas la maîtresse du roi. C'est le roi qui était son amant, ce qui n'a rien à voir. Donc je plaide pour la Pompadour qui est mise en liste d'attente, vous voyez. Et donc j'étais pas content. Alors un peu plus tard, on me donne Se méfie de vous quand même, non, j'imagine. Ah, vous voyez les discussions. Un peu plus tard, on a une américaine. Alors, je dis qui est cette dame? C'est un poète américain, 1910, très bien. Je dis, ah ben, très bien. Et on rajoute, elle a été ambassadeur des États-Unis au Venezuela. Ah, je n'en veux pas. On a dit, pas d'homme politique, pas de religion, pas de militaire. Et donc, être ambassadeur, c'est être près du pouvoir. Donc, nous ne saurions l'accepter. Et puis, je rajoute, bon, maintenant, si vous prenez la Pompadour, je suis prêt à faire une exception. Donc, vous voyez, à quel niveau se passent ces discussions? La diplomatie des étoiles. On avions, par exemple, la fameuse peintre Bonheur, à qui nous voulons donner un cratère sur Vénus. Mm. Nos collègues russes disaient non, parce que ça ressemblait à Sandra Bonheur, l'épouse de Sakharov. Et ils étaient pour, mais ils avaient peur, revenus à Moscou, d'avoir des problèmes. Mais donc, toutes ces discussions, ce à quoi on touchait. Et donc, pour les anneaux de Neptune, les Américains n'en voulaient pas. Liberté, égalité, fraternité, ils me disaient, ça fait trop français. Alors, je leur disais pas du tout. La liberté, c'est pas français, c'est universel. Donc, alors là, étant membre du comité, ça aide un petit peu. Donc, je me suis arrangé pour que les réunions aient un territoire ami. Donc, ni à Washington, ni à San Francisco. Les réunions ont lieu à Florence et à Buenos Aires. Et là, l'unanimité, l'Union Astronomique Internationale, a adopté ceci. Et donc, dans le système solaire, vous avez courage, liberté, égalité, fraternité, qui marquent les confins du système solaire. Et donc, nous marquons cette frontière par ces noms-là. Et pourquoi je n'ai ce nom? Et c'est joli d'ailleurs, parce que chaque, si on prend chaque première lettre, donc ça fait la clé. La clé. Vous savez que la clé en anglais, c'est la clé de musique, la beauté, l'harmonie du ciel. Et la clé en français, c'est la clé pour ouvrir la porte. Comme je dis, laissons les Anglais jouer de la musique pendant que nous, on essaie de comprendre ce qui se passe. Alors, vous me parlez de musique, ça tombe bien, André Brahic, puisque c'est le moment de découvrir justement votre univers musical. Vous aimez quoi en particulier? Musique classique plutôt? Ça va bien avec les étoiles. Alors la musique, c'est quelque chose que, là aussi, vous voyez, je parlais des mentors, c'est quelque chose que j'ai découvert tardivement. C'est-à-dire que quand j'étais petit à l'école, j'étais pas sage du tout, hein, ça va vous étonner. Oui, ça m'étonne beaucoup, oui, c'est vrai. Et donc j'étais souvent puni. Et donc le cours de musique, c'est là, on chahutait beaucoup. Hein. Et j'ai eu des professeurs de musique, les pauvres, j'aimerais les rencontrer à nouveau maintenant, avec qui on s'est quand même bien amusé. Et du coup, j'ai pas appris grand-chose en musique. J'étais dans un milieu où la musique était bien connue et je n'ai été initié à la musique que tardivement. Donc je suis totalement, comment dirais-je, je n'ai pas de culture de base dans ce domaine. Et par contre, j'adore ça. Et ceci m'a été donné par l'épouse d'un de mes collègues d'un New York qui adorait la musique et qui, quand je passais par New York, m'a emmené au Metropolitan. Donc j'ai eu droit à aller au plus grand. Et qui m'expliquait un jour, j'étais très surpris, j'avais quoi? J'avais 25, 30 ans. Elle m'a dit, tu vois, à un moment donné, je vais pleurer, mais c'est pas que je suis triste. Simplement, je suis tellement ému par cela. Et j'ai compris ce que c'était que l'émotion que vous apportait la musique. J'ai appris à l'aimer. Alors maintenant, j'ai pris du retard. Disons, toute musique qui est postérieure à 1850, mais un peu étrangère. Donc alors, j'avoue que c'est extraordinaire la musique. Alors restons sur ce terrain-là. Mozart, un air de l'opéra de Don Giovanni, ça vous va? Ah, ça me va très bien. Mille lettrés. On y va. C'est... E catalogo questo delle belle che voi padre mio o catalogo gli è che ho fatto io osservate leggete con me osservate leggete con me in Italia 640 in Lamania 200 tettona Entro in Francia e chi è novantona, ma in Spagna, ma in Spagna so già mille tre. Ma fra queste contadine, cavalieri cittadine, la contessa baronessa. A che sa di trice pesa, e va togli, togli, crede, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia, 640, in Romagna, 231, vinto in Francia, Et c'est la suite de la Marche des sciences sur France Culture en compagnie de l'astrophysicien André Brahic, astrophysicien au CEA, professeur à l'Université Paris 7, directeur du laboratoire Gamma Gravitation. Fer de lance de la culture scientifique, on peut le dire, une figure internationale, en tout cas en planétologie. Une superstar, comme on l'a titré pour cette émission, et qui nous fait entrer dans son univers public-privé. Et toujours avec nous, Catherine Decopé, qui a préparé les interviews surprises pour mieux nous faire découvrir notre invité. Alors, autre passion. Et on va tout de suite l'aborder, avant de vous donner la parole, André Brahic, la gastronomie. Catherine de Copé, je me tourne vers vous. Oui, alors une passion dont vous n'hésitez pas à parler, vous avez même réussi à le faire en début d'émission, André Brahic. Vous aimez la partager, je crois, avec tous ceux qui vous sont chers. Et pour en parler, le mieux était de laisser la parole à quelqu'un qui a fait de la cuisine son métier. Il vous connaît bien, il s'appelle Paul Racca, propriétaire du restaurant La Poule au Pot à Paris, un établissement qui fêtera ses 40 ans très bientôt et qui a la particularité d'être ouvert toute la nuit, donc qui vous sied parfaitement. Paul Racca et sa femme Pascale m'ont donné rendez-vous un soir dans le restaurant, un lieu très chaleureux qui garde la trace de toutes les célébrités qui s'y rendent, au point de graver leur nom sur de petites plaques. Alors André Brahic, vous y avez bien sûr la vôtre, car vous êtes un habitué de l'endroit. J'ai demandé à Paul Racca s'il se souvenait de votre première rencontre. On l'écoute. J'ai rencontré André Brahic, cela remonte à plus de 30 ans. Au départ, il venait pas seul, vous voyez. Il venait avec des groupes, notamment beaucoup de gens qui venaient des États-Unis. Donc très vite, dans leurs conversations, dans leurs propos, on a bien senti qu'ils passaient pas leur temps à regarder leurs chaussures, mais regardaient plutôt le ciel. Et très vite, nous sommes liés d'amitié parce qu'il a des mots justes et qui me fascinent. Il a osé me dire un jour, on ne peut pas faire de la gastronomie si on n'a pas touché aussi à l'astronomie. Alors là, du jour au lendemain, nous sommes serrés la main et c'est toujours un grand plaisir de le recevoir dans cette institution. Qu'est-ce qu'il mange, André Brahic ? Qu'est-ce qu'il aime ? Il aime d'abord tout ce qui est bon. C'est pour cette raison que c'est un gastronome. Et quand il vient à La Poule au Pot, il adore manger la poularde aux morilles avec les petites pommes sautées. Et également accompagné d'un bon vin. Il aime bien le Bourgogne et notamment le pommard. Ah, il aime bien le pommard, André. Que des bonnes choses. On saura beaucoup de choses sur vous. Alors Catherine de Coupé, vous vouliez ajouter quelque chose. Oui, un petit mot pour dire qu'il y a un autre personnage qui vous apprécie énormément à La Poule au Pot, c'est Francis, le responsable de salle, très fidèle à la tâche, qui m'a confié avoir du mal à travailler quand vous venez manger, tellement il aime vous écouter. Alors, c'est très gentil. Alors, donc la gastronomie. C'est aussi la gastronomie. Oui. D'abord, c'est un plaisir. Il y a tellement de gens qui mangent parce que, par utilité en quelque sorte, alors que ça a un plaisir. Mais surtout, ce que j'ai appris, c'est la convivialité. Nous parlions tout à l'heure des noms qu'on a donnés aux années Neptune. Il y a un autre endroit où j'ai joué un petit rôle, c'est on a défini le mot planète, qui pendant 2000 ans n'a jamais été défini. Et il y a eu un gros conflit dans les années 2000. Et d'où la déclassification de Pluton. Alors, je ne sais pas si on doit dire déclassifié finalement. Non, pas du tout. Non, vous savez, dites, elle a été promue. Jules César disait qu'il allait mieux le premier dans son village que le second à Rome. Donc Pluton, maintenant, est le premier d'une nouvelle catégorie qu'on appelle les naines. Donc, je pense que Jules préférait être premier à Rome, mais ça, c'est une autre histoire. J'étais membre d'un comité et nous étions en désaccord total. Et justement, j'ai emmené tous les membres de ce comité à La Poule au Pot. Et je peux vous dire que cette fois-ci, on n'a pas pris du pommard, on a pris du pommerol, je me souviens. Et la troisième bouteille, les points de vue se rapprochaient. On se comprenait beaucoup mieux. Autrement dit, je pense que c'est très important dans la vie. Quand vous avez une querelle, quand vous avez un conflit, quand il y a quelque chose qui ne va pas, si vous réussissez à mettre tout le monde autour d'une table, à éprouver ce plaisir qu'on peut avoir autour d'une table, à manger quelque chose, tout le monde considère, après tout, nous sommes des hommes, si nous essayons de trouver la meilleure solution. Et mon expérience, c'est qu'en des cas très difficiles, quand vous asseyez autour d'une table, beaucoup de problèmes peuvent être résolus. Plutôt que chacun reste campé dans sa position en disant « je ne bougerai pas comme dans une tranchée de la guerre de 14 ». Et donc je pense à la gastronomie, c'est pas uniquement un plaisir, mais la convivialité qu'on oublie un peu trop. Et d'ailleurs dans le monde méditerranéen, souvent, on commençait par dîner, par manger, et on discute des choses sérieuses qu'après le dîner. Il y a dans le monde anglo-saxon une attitude de grandeur. Tout de suite on va au cœur des choses, et donc le conflit naît immédiatement. Donc je pense que la gastronomie va bien au-delà du plaisir, chose importante. Et ça va aussi au-delà, c'est qu'actuellement nous sommes dans une société où les gens mangent des nourritures industrielles. Des choses fabriquées où les animaux sont traités épouvantablement, ils mangent n'importe quoi. Et si les gens demain décidaient de manger des choses beaucoup plus naturelles, ils feraient des économies, la santé irait mieux, quelques industriels gagneraient moins d'argent, mais nous en porterions beaucoup mieux. Et alors, la passion du sport, André Brahic, est-ce que vous la partagez aussi ? Oui, mais là, je suis très mauvais parce que je suis pas un très grand sportif. Vous savez, je raconte un peu comme c'est l'histoire de Churchill hein, qui disait « no sport ». Et j'ai des amis qui sont plus jeunes que moi, qui ont 20 ou 30 ans de moins, qui ont mal au dos. Alors, elles étaient des grandes sportives, elles ont fait des compétitions, elles ont une ligne superbe, etc. et tout. Mais à 50 ans, elles commencent à avoir un mal au dos. Moi, j'ai mal nulle part, tout va bien, mais j'ai jamais fait de sport. Churchill, c'était pour expliquer justement à des journalistes qui le questionnaient pourquoi il était aussi en forme et il vivait aussi longtemps, aussi oui, bien. Chacun sait que si on le fait de manière exagérée, un grand fumeur, le sport. Il disait disait surtout no sport. Oui. Mais non, bah moi, je ne fume pas du tout. Et alors, ce que j'aime bien, par exemple, la marche. C'est-à-dire, si je suis un peu je suis paresseux, mais c'est à partir du moment où on me lance sur une marche, j'ai envie de faire 20 ou 30 kilomètres parce que j'ai la plaine à partir. Mais quand je pars, ça y est. Et donc, j'ai la chance d'être en forme pour l'instant. Et le sport, en fait, j'ai une vision du sport, mais qui est peut-être un peu passéiste. C'est-à-dire que c'était ce sport des années 1930, 40, 50, où, disons, on le faisait par plaisir. Alors que le sport est devenu maintenant une marchandise, où les gens gagnent beaucoup d'argent, où il y a des... Bon, c'est pas très extraordinaire. Et je rêve encore de certains matchs dans différents sports qui pouvaient avoir lieu dans les années 1950, où les gens venaient pour le plaisir du spectacle, mais ils se moquaient que l'équipe A ou B gagne. Alors qu'aujourd'hui, il y a des supporters qui sont des gens dont le cerveau, visiblement, a été peu développé, qui brandissent des drapeaux d'une couleur ou d'une autre. Tout ça, j'en ai évidemment horreur. Mais cette espèce de sport passé, hélas, oui, me fait un peu rêver sur cette époque. Alors passé, mais on va le faire revivre. Justement, le match amical France-URSS en 1956. J'étais là. 22 joueurs, des ministres, des présidents, l'ambassadeur de l'URSS, et voici devant 65 000 personnes le coup d'envoi du prestigieux match France-URSS. Les Français portent des bas clairs et cerclés. Sur dégagement de Kelbel, Piantoni, magnifique, trompe successivement trois adversaires. Descend à toute allure, et Yachine effectue son premier arrêt. Il lance Tatouchine, qui centre. Isaïev passe à Sprelstop, mais remet ses lances et stoppe la balle. 0-0 à la mi-temps. Dès la remise en jeu, Telechea reçoit une balle de grillé et marque le premier but français. L'enthousiasme ébranle les fondations du stade de Colombes. Vous y étiez, André Brahe, parce que vos parents jouaient un rôle aussi dans tout ça. Oui, mon père qui adorait ces matchs, qui avait lui-même joué dans les années 1920-1930, en fait, jouait un rôle pour la vente des billets. Et donc, jouant ce rôle-là, il pouvait assister gratuitement au match. Alors, il ne voyait jamais la première mi-temps, puisqu'on vendait des billets, il voyait la seconde. Et dans ces stades-là, il y avait des billets, on avait prévu des places pour, dans le cas, il y avait une erreur. C'est-à-dire que si une personne, le même siège était attribué à deux personnes. Et donc, on arrivait 2 heures avant, moi j'avais 14 ans pour ce match, je m'en souviens, j'y étais. Et j'ai l'impression que c'était il y a 5 minutes que j'étais là. Et donc, mon père me mettait sur les places, qui étaient les doublons de places. Donc, en tribune présidentielle, la meilleure place que je pouvais avoir avec ça, j'étais là, je ne bougeais pas. Mon père apparaissait à la seconde mi-temps, puisqu'il avait vendu des billets avant. Et c'est comme ça qu'on voyait, sans dépenser un sou, modestement, ça. Et moi, j'étais tellement content d'aller voir ces matchs. Et si, effectivement, si j'avais pas été sage dans la semaine, ma maman, qui avait une certaine autorité, m'interdisait d'y aller. Et là, j'étais d'une sagesse extraordinaire, parce que je ne voulais pas manquer ça. Et là aussi, c'est un petit peu ce rêve. Est-ce que, à l'époque, il faut se souvenir que l'Union soviétique, ça paraissait un monde autre. C'était des martiens. Et donc, le fait qu'on voit ces gens arriver, alors qu'il y avait le mythe autour, c'est la guerre froide. Donc, certains disaient c'est des gens épouvantables. D'autres disaient, mais non, c'est le paradis. Enfin, vous imaginez cet état d'esprit. Donc, voir ces joueurs caresser le fameux Nashine qu'on appelait l'araignée noire, qui saisissait la ballon d'une seule main. Moi, j'avais 14 ans, je voyais ça. Le gardien. Et donc, ça n'existe plus, ça, maintenant. Et ces gens étaient pas payés du tout. Et alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que mon père était travaillant au chemin de fer. De temps en temps, nous allions à Marseille, à Reims, voir des matchs. Et quand nous rentrions en train, je voyageais avec les joueurs. Donc, j'étais dans le compartiment avec ces joueurs. J'avais 10 ans, 12 ans. Et je parlais avec eux, ce qui ne se passe plus de nos jours. Alors, évidemment, à l'école, ça me valait une grande popularité, puisque j'avais vu les joueurs du match de la veille. Et là aussi, c'était une espèce de plaisir auquel j'ai eu droit, grâce à mes parents. Ma chère maman, elle a horreur du football, qu'est-ce que ce genre de choses, etc. Mais ça, c'était mes moments avec mon père. Et tout ça, on imagine, André Brahe, mais ça fait partie de ce que vous êtes aussi, de ce qui vous a formé, de ce qui vous a aussi peut-être transformé en scientifique à part. Et tout ce qui a trait à l'attitude du scientifique, c'est un vrai sujet de réflexion que vous partagez avec vos amis, ça on le sait. Catherine. On va retrouver Jean Habitbol, donc je rappelle qu'il est chirurgien des cordes vocales. Il vous inspire et il est inspiré par vous. On l'écoute tout de suite sur la démarche scientifique. Elle m'a permis une chose formidable. La rencontre avec André, c'est de se dire que l'intuition est un élément fondamental dans la science. Et grâce à cela, j'ai repris une phrase que tout le monde connaît et qui s'appliquerait à André et que je m'applique également, celle d'Einstein, qui dit tout simplement « La science serait rien sans l'imaginaire ». Et la deuxième chose qui m'a impressionné, qui n'est pas une anecdote, qui est une de ces phrases, tout ce qui est scientifique, quelque part, n'a qu'une longueur de vie, parce que ce qui est important, c'est de justement prouver le contraire, sinon c'est pas scientifique. Et ça, je trouve ça fabuleux. Quand on dit que Dieu existe, eh bien, c'est pas la science, ça existe. Mais lorsqu'on dit que la Terre est ronde, il faut le démontrer. Et c'est l'élément le plus impressionnant de sa personnalité, c'est de considérer qu'étant un scientifique, il attend tout simplement que quelqu'un lui démontre le contraire. Ça montre l'humilité que le scientifique doit avoir. André Braïc, alors donc, cette science, elle enseigne beaucoup de choses. Hein. Elle enseigne le doute aussi, l'humilité, l'esprit critique. Ah ben c'est les deux premières qualités. Vous voyez, actuellement, par exemple, on pousse le système est tel dans le monde entier qu'on demande aux chercheurs de demander de l'argent. Moi, si jamais j'avais un rôle dans la recherche, j'étais ministre de la recherche, ma première mesure serait d'interdire à tout chercheur de remplir le moindre formulaire. C'est un peu comme si la SNCF recrutait des conducteurs de locomotives, mais oublie d'acheter des locomotives. Donc le conducteur de locomotive ne conduirait pas de locomotive, il ferait des dossiers pour acheter des locomotives. Autrement dit, chaque chercheur actuellement est poussé à dire « je suis le meilleur, je suis très bon, donnez-moi de l'argent ». Ce qui est le contraire des qualités d'un scientifique. Puisque nous savons tous qu'une proposition n'est scientifique que si elle est falsifiable. Karl Popper l'a dit mieux que moi, Claude Bernard l'a dit mieux que moi aussi. Autrement dit, si je vous dis quelque chose et que vous pouvez me montrer, soit que j'ai tort, soit que vous pouvez me contredire, ma phrase est scientifique. Si vous pouvez pas me contredire, elle ne l'est pas. Et pour prendre un sujet qui n'est pas polémique, je vais citer une phrase comme ça. Si je vous dis, les vaches sont persuadées que les trains ont été construits pour les distraire. Vous ne pouvez en aucun cas me dire que cette phrase n'est pas correcte. Cette phrase-là n'est pas scientifique. Si je vous dis par contre les vaches sont toutes noires, je suis d'en trouver une marron, une blanche ou une tachetée pour montrer que ma seconde phrase est scientifique. Eh bien, essayez d'appliquer cette démarche à la vie de tous les jours, au discours d'un homme politique, aux affirmations des uns et des autres. Est-ce que ce qu'il vient de me dire, je peux lui montrer qu'il a tort ou je ne peux pas lui montrer ? Eh bien, ça changera beaucoup votre démarche. C'est pour ça que j'aimerais que dans la culture scientifique soit un élément de la culture, comme l'est la poésie, la musique, la sculpture, etc. Ce qui est là, c'est absent. J'en veux encore à Napoléon III, qui a séparé le baccalauréat littéraire et scientifique. Ça vous donne des littéraires qui sont pas fichus de faire une des deux, trois, y compris quand ils sont ministres de l'Éducation nationale, et ça vous donne des scientifiques qui font trois fautes de français par ligne. La culture, c'est un tout. Et donc, il vous ment, comme on a besoin de deux jambes pour marcher, une seule jambe, on marche moins bien, même si on fait des économies. Mais la science doit être partagée par tous. Et c'est pas la technique qui est partagée. C'est pas la manière que le peintre va mettre 20 ans pour apprendre sa technique. Mais le tableau, vous pouvez d'un coup d'œil l'apprécier ou pas. Eh bien, la science peut, en un mot très simple, vous expliquer de quoi il s'agit. Tout le monde peut comprendre. Mais par contre, la technique, c'est compliqué, comme la technique du danseur, du chanteur, etc. Et là, cette culture scientifique n'est pas partagée. Hélas, à la radio et la télévision, elle existe peu. Là aussi, j'aimerais bien que le CSA ait en son membre au moins un scientifique. J'aimerais bien qu'un jour, un homme, un directeur de radio et de télévision, quitte une culture scientifique. Et je rappelle simplement des événements des années 70, où je me souviens, vous n'étiez pas né à l'époque, mais il y avait la télévision qui était en noir et blanc. Il y avait trois chaînes de télévision, la 1, la 2 et la 3. Oui. Et il y avait à 8h30 sur FR3, le soir, le dimanche, soir à 8h30, émission scientifique. On a fait passer un nombre de collègues, moi j'ai droit une fois. Eh bien, comme ça, nous avions un tabouret, un drap blanc derrière, donc ça coûtait pas cher à la télé, on te payait soi-même son taxi pour arriver. Eh bien, nous étions, je me souviens, la fois où je suis passé en concurrence avec Jean-Paul Belmondo sur la première chaîne et l'homme de Rio, avec Jacqueline Maillan sur la seconde chaîne, et puis moi qui parlais des comètes sur la troisième. Eh bien, à l'audimat, nous avons battu Jacqueline Maillan, on est battu de justesse par Jean-Paul Belmondo, mais ça coûtait plus cher. Eh bien, ça veut dire que si on mettait de la science à 8h30, la chaîne de grande écoute, mais de manière ludique, de manière sympathique, de manière ouverte, eh bien, il y aurait beaucoup de monde. On avait proposé à la première chaîne de télévision un jour d'avoir un budget moins, deux fois moins que ce qu'ils font à 8h30, en leur disant, vous faites une émission et vous aurez plus d'audimat. Ils n'ont jamais osé franchir le pas. Et je pense qu'en ce domaine, le ministère de la Culture, Ruth Valois, qui ignore la culture scientifique, pourrait peut-être faire un petit effort. La science, c'est pas des barbus ennuyeux qui vous écrivent des équations, c'est la vie. Exactement, et on le vérifie, c'est vrai, ici, dans nos murs à France Culture, avec toutes les émissions sciences de culture qui passionnent beaucoup, c'est vrai, et on remercie notre public d'ailleurs. Mais nous avons la chance d'être une période merveilleuse. Une période où il y a plein de découvertes qui sont faites et nous vivons une mutation profonde. Je suis sûr que dans 1000 ans, ils diront quelle chance ils avaient de vivre en début du 21e siècle, au moment où tout basculait, au moment où tout. Et vous savez que, comme je paraphrase quelqu'un avec qui je suis pas d'accord, je dis que le 21e siècle sera spatial ou ne sera pas. En tout cas, vous faites déjà partager tout ça avec vos proches. On sent, par exemple, à travers ce que disait Jean Bitbol, que ça rentre, ça questionne, c'est ce statut du scientifique, développer la culture scientifique, science et histoire des sciences. Il faut la faire connaître. Après, encore faut-il effectivement trouver le moyen. Comment ? Pour vous, ça passe forcément par le politique, mais ça peut passer par autre chose. Non. Le problème actuellement, c'est dans pratiquement toutes les sociétés, les scientifiques sont absents de la sphère politique et de la vie civile. Ce qui n'était pas le cas sous Louis XIV, ce qui n'était pas le cas sous la Première ou la Seconde République, ni la Troisième République. Et c'est la faute des scientifiques, c'est pas la faute des politiques. C'est-à-dire que les scientifiques, nous on s'amuse tellement qu'on n'a pas envie d'aller s'embêter. Et souvent, les gens qui enrôlent dans les scientifiques sont en fait des bureaucrates, dont certains d'ailleurs ont mal réussi en sciences, donc du coup, ils ont une espèce d'aigreur. Chacun sait que Margaret Thatcher, qui avait échoué en chimie, est devenue une femme politique, a coupé les crédits. Chacun sait, je ne vais pas s'y citer d'autres. Et donc, c'est tellement extraordinaire que nous sommes absents et c'est dommage. L'époque de Louis XIV qui disait je veux développer les sciences et les arts et qui dit à Colbert tu me prends les meilleurs, tu leur demandes comment ils veulent gagner et tu me libères trois, eh ben c'est pas la méthode actuellement. Il l'a fait. C'est pas la méthode dont on recrute actuellement les gens au CNRS ou à l'université. Et nous pourrions faire ces. Et moi, je rêverais d'un président de la République qui, comme programme électoral, d'ailleurs, si je me présente en 2022 ou en 2027, ça sera le suivant. Mon programme électoral reposerait sur trois priorités à l'exclusion de toutes les autres. Et ces trois priorités seraient la culture, la recherche et l'éducation. C'est ça notre futur, c'est ça la lutte contre l'obscurantisme, et c'est ça qui feront que nos enfants seront dans la bonne direction. Et en même temps, on pourrait faire un petit peu rêver la population en disant « on va progresser, allons-y tous, allons de l'avant ». Donc ça veut dire qu'on peut avoir un avenir merveilleux si on part dans cette direction. Et pas sur la crise où on a les gens tristes, etc. Arrêtons avec ces homo tristus. Et d'ailleurs, ces homo tristus font le lit, font le miel des démagogues et des populistes. Et nous savons ce que donne la démagogie populiste. En 1933, on a vu ce que ça a donné. Donc, évitons de tomber dans ce gouffre. Parce que vous le dites, la culture scientifique aide à remplir ce rôle de citoyen. En tout cas, c'est ce que vous nous montrez, y compris dans vos propos. Une de mes phrases, en cas de violence et en cas de problème, envoyez les astronomes d'abord, la police après. Alors, il y a un rituel dans la Marche des sciences spéciale Grand Portrait André Braïc. C'est une des personnes qui a participé à l'émission et est interviewée par Catherine de Copé, vous pose une question. Et là, on va retrouver Jean Habitbol. Alors, André, moi, j'aimerais te poser une question qui est toute simple. Si tu n'avais pas été astrophysicien, quel métier aurais-tu fait pour garder ce côté artistique et scientifique ? Eh bien, en fait, je pense que le métier que l'on fait dépend des rencontres qu'on a eues. Soit la rencontre peut être faite par le biais d'un livre, ou par le biais d'avoir entendu une émission de télévision, de radio, soit par une personne qu'on a effectivement rencontrée. Alors, par exemple, quand j'avais 14-15 ans, il est clair que ce qui me passionnait, c'était l'histoire. J'aurais peut-être été historien. Et d'ailleurs, je me souviens, en concours général, j'étais pas présenté en physique ou en mathématiques, j'étais présenté en concours général d'histoire. Alors, j'ai pas eu de prix, parce que à l'époque, je me souviens, j'ai fait un pamphlet contre le personnage que j'étais censé décrire. Alors évidemment, je ne risquais pas d'avoir un prix avec cela. Et donc, je pense que ça dépend des rencontres. Alors l'histoire aurait été une possibilité, il y en aurait beaucoup d'autres. Et puis par contre, si j'étais né il y a 200 ans, probablement que j'aurais fini au fond de la mine, et que peut-être il y a eu un coup de grisou, il y avait beaucoup de victimes à l'époque, et que je n'aurais jamais exercé un métier merveilleux. Ou peut-être que je serais parti à pied découvrir le monde avec des explorateurs. Ça dépend des rencontres. Mais je dirais simplement... ayons le goût. C'est un petit peu comme si on vit dans une autre société, on ne rencontre pas les mêmes amis, pas les mêmes compagnes, pas les mêmes épouses ou autres, on va rencontrer d'autres gens. Et simplement, si ces rencontres sont merveilleuses, il y a tellement de possibilités. C'est pour ça d'ailleurs qu'un de mes rêves serait que nous ayons une dizaine de vies différentes et qu'à la dixième vie, on choisisse celle qui est la mieux. Donc j'aimerais bien pouvoir exercer d'autres métiers après, puis comparer après. Hélas, ce n'est qu'un rêve, mais enfin on a le droit de rêver. Et alors, parmi les personnages de l'histoire, justement, vous dites, finalement, vous auriez pu être historien, mais ces personnages de l'histoire des sciences qui vous fascinent, en tout cas, qui font partie de votre panthéon à vous. En fait, déjà, une personne que j'ai jamais rencontrée, qui me fascine, mais hélas, nous avons peu de témoignages, c'est Démocrite. Démocrite, qui était surnommé le scientifique rieur. Il vrai qu'un jour, la police est venue parce qu'il riait tellement fort que les voisins croyaient qu'il y avait un incident très grave. Et ça, je pense aussi que dans la vie, si on n'a pas d'humour, on n'est pas sérieux. Chacun sait que dans la vie, les gens qui se prennent au sérieux ne le sont jamais, alors que ceux qui ne se prennent pas au sérieux le sont quelquefois. Donc Démocrite, j'aurais aimé le rencontrer. Un autre homme que j'aurais bien aimé rencontrer aussi, qui n'était pas vraiment un scientifique, mais qui développait la culture scientifique, c'était Fontenelle. Fontenelle est le premier qui a écrit des livres de vulgarisation pour les femmes, à l'époque où les femmes étaient mal considérées. Alors évidemment, ces livres n'étaient lus par les femmes qui savaient lire, donc les femmes de la noblesse. Mais enfin, déjà, il avait fait cette démarche, et cet homme avait une sacrée personnalité. Vous savez, on raconte de lui que quand il a vécu 100 ans, ce qui était rare à l'époque de Louis XIV et Louis XV, on raconte de lui quand il avait 90 ans, et qu'il rencontrait une jeune fille superbe, il disait... Ah, il secouait la main en disant « Ah, si seulement j'avais 80 ans !» voilà des gens que j'aurais bien rencontrés. François Arago, c'est un homme que j'aurais bien aimé rencontrer. François Arago qui a été pratiquement Premier ministre pendant quelques jours de la Seconde République. Il était ministre de la Marine, il a joué un rôle important pour la suppression de l'esclavage. Tenez au...